J'attaque le gros music, frérot, j'ai pas de temps à perdre. Donne-moi la pote qui tue, j'la pute, j'ai des gros sons à faire. On a bien trop goûté le bitume, on posera pas genoux à terre. C'est pour mes fous malades, mes boumaras qui découpent sa sève. J'mets toute ma rage, j'écoute ma voix, j'mets des gros coups de massette. Et pour ma part, j'écourte ma life et j'me torture la tête. Reste à l'écart, t'es pas méga, j'souhaite que Dieu vous préserve. Faut marquer le track, alors j'mets le tarot, j'ai encore des réserves. J'braque l'état, le texte est sale et je fais danser les verbes. J'suis perdu un peu comme un ange dans les ténèbres. Y'a que toi pour t'aider à fonder tes rêves. J'fonce et persévère, avance et père, mère, père. C'est vers elle t'aime, ouais. Le point du viseur dans leur tête. C'est en grattant qu'on obtient le génie. J'mets tous mes songes d'enfant terrible. Donne une instru, on l'embellit. On te montre comment lire entre les lignes. T'as pas aidé de ceux qu'on illustre. Les dommages dans le crâne causent des fissures. Hommage aux vrais qui sont passés par là. J'laisse ma trace, car mes plaies sont irréparables. T'as pas aidé de ceux qu'on illustre. Les dommages dans le crâne causent des blessures. Hommage aux vrais qui sont passés par là. Je laisse ma trace, car mes plaies sont tirées par. Je vois la part du lion, voir tout le gâteau. Pourquoi je m'inflige la suite? Je vois ton rap en bottines noires, ça fait comme Lil Nas X. Vite faut qu'on mange, endure et plonge. Pourquoi je m'atrophie, merde? Ils sont collants, style du pilon sur une lame d'opinel. Ticker me porte, pineur je mors et les nerfs ça crante vite. Dis-leur que je cogne plier de prod et des SM58. C'est navrant, je gueule, faut bien comprendre si je mets la partie sombre. Donc avant seul, c'est de la confiance que naît la trahison. Prends pas la paix, je n'irai l'effort, cramer leur booty sale. Monte à l'tassier, j'y mets l'effort, mais pas d'emboutissage. Les rapaces louvent, j'aime autant fuir et être tranquille, honnête. Donne de l'amour quand je suis en fuite avec ceux qui me connaissent. On se fera la bise, on sympathise, mais on tranche l'œsophage. On va partir pour vous laver, faudra 100 sous d'eau plate. Pas conseillé, mais épis moi, le destin m'a pas cru drôle. Mais oui, ton game, c'est que des histoires de ceux qu'on la plus grosse. T'as pas aidé de ceux qu'on illustre. Les dommages dans le crâne causent des fissures. Hommage aux vrais qui sont passés par là. Je laisse ma trace, car mes plaies sont irréparables. T'as pas aidé de ceux qu'on illustre. Les dommages dans le crâne causent des fissures. Hommage aux vrais qui sont passés par là. Je laisse ma trace, car mes plaies sont irréparables. Fracassé tout d'un passé terre, n'a cassé tout amassé le terre. N'a passé le terme, craquage et tout a passé clair. Forcené qui pleure sous les éplombs, j'en sors mes tracas à soi. Nos cœurs sont des éponges, j'en sors mes tracas à soi. Je traîne ma larme, trop cogite comme la lienne est paro. Je traîne ma life, tant de mes propos gifles, la mienne est paros. T'en fais pas, le mauvais sang déferle, mon sac gris, j'perra ça. Le temps c'est pas, mieux vaut sans défaire, non ça grippera ça. Mais je vois qu'on court autant qu'il file. Ça pitoie, poisson poule, authentifie. Pour nous pourrons pas s'en remettre, pour nous pas de sornette. Trop de soucis, je vois que ce nous dépasse en net. Rêve d'une place assise, perdu dans ma paresse et calme. 36 piges, dis-moi clair, tu t'en as pas resté calme. Ce mal nous cause des troubles, nous laisse des plaisirs réparables. Mal nos gosses et ne manque la joie dans leur seul plaisir réparable. T'as pas aidé de ceux qu'on illustre. Les dommages dans le crâne causent des fissures. Hommage aux vrais qui sont passés par là. Je laisse ma trace, car mes plaies sont irréparables. T'as pas aidé de ceux qu'on illustre. Les dommages dans le crâne causent des fissures. Hommage aux vrais qui sont passés par là. Je laisse ma trace, car mes plaies sont irréparables. On ne parle pas des jours qu'on fout heureux. Trop de coups d'œil en arrière sont douloureux. C'est pas les plaies qu'ils sont. L'enfer n'est qu'une scène traumatisante à répétition. L'enfer n'est qu'une scène traumatisante à répétition. L'enfer n'est qu'une scène traumatisante à répétition.